salimi tu connais coronavirus. Les conseillers Salomon Escadela, mon général Chico. Baba binakuya kurumie sana kuomba kunurumie ya kudema mpaka kudunia kama mtu anafanya mubaya ichika baba iko mtoto yako bisiladi iko mukeni bisiladi iko mukeni ili mose kalondone jijinzungu mkunzi angaba sinifungie oh baba yangu. Oyo, tucheze, tucheze, tucheze michezo ya kwetu. Tucheze, tucheze, tucheze tuvuje kauno. Richard Kabala, la valeur sûre. Tucheze, tucheze, tucheze michezo ya kwetu. Tucheze, tucheze, tucheze tuvuje kauno. Natacha Tantine, Koukapo, Yvette, matériaux durables. Papa, nana, yeah, Osinga, Olimbisi. Tantine, Mayasi, Gloria, Omari. Namokili, soke moto salio, mabe. Nima, papa, te papa, Kanda, salimo, paya. Le fils Shoka, Smalto, Senga. Kanda, salimo, paya. Kanda esalimo baya Fabregas Metinoir Nana Swana Nathalie Ede Katalaye Bosse Chetemba Kaibe Karine Mukanda la pétrolière Mon général Filemon Yave Shadrach Yuma Eva Mwari Panda Kote Tucheze, tucheze, tucheze michezo ya kwetu. Tucheze, tucheze, tucheze tuvuje kauno. Président Josar Nyoka Longo Fébombasse, Papa Chéri Jibem Piana, Sege Mignon Magnata, mon ami d'Afonso, Ingénieur Papi Pelbe Jazz, Musique Kuba, Placide Ebio, Zed Zilea, Picos Mbayabo Jacques, Ninani, Rebo Chulo Ninani, Ninani, Ninani, Ninani, Héritier Wata. Patrick Muzamba, Serge Mabele. Baba, minakuyo, kurumie sana. Kuomba, kunirumie. Patrick Mumbata. Kudunia, kama mutu, anafanya mubaya. Ichika, baba, iko mutoto yako. Bisilandi, iko mukeni. Bisilandi, iko mukeni. Josha Banza, Jenny Justika. Usinifungie, oh. Baba yangu, oyo, tucheze, tucheze, tucheze michezo ya kwetu. Tucheze, tucheze, tucheze tuvuje kauno. Serge Mabele, Charlie Lapaja, Betty Kiala, Jolou Bamba, Aimé Bidosha, Aimé Wawa, Monangoto, Chris, Flo. Oh mama, mama, sorry for where we were. Jerry Gola, Papa Shadia. Oh mama, mama, show me a solo. DJ Merco. And so tonight to dance. Mama today to dance. Banger Studio. Ignorance again. Victoria. Coronavirus. Restez chez vous, sauvez les vies. Papa sali feti mon nene mwana. Azongio, Azongio, Africa. Charles Tabou l'ami d'esclave. Yadadangwa bana. Héritier Kakone. Hermine Ezoba. Cathy Lualua. China Zelabel. Le chef Freddy Swana de London. Papi ambassadeur Ima de Koshok. Le Limbui Yawili Moucheni. Le Lotobina Ko Yimbiko Ko Ko Kwasa Kwasa Kwasa I Babina Isakele yeah. Abataka na bunda ki bombana yo yo yo. Réplique Mpomba Kibombana yo yo yo hey. Yolande Mayasi Kibombana yo yo yo hey. Tucheze Inafile Innocent Baloumé balume Tobina, Tobina Ibran Tore Piana Tobina, Tobina Tobina, Tobina Nyota Mulangu Papa sali feti monene mwana azongio Azongio nakini Zabuta mfumwe Serge Tata Kibokolo Eritie Mbwama Jacky Loan Lolo Iki Lukumwe na GPS DJ Amarulay Marie-Paul Kayumba Ushi Docteur Midier Dressi Eleza Ya Aimé et Didier Catalis Paolo de Souza ya Blandine Eritie Mubiala Eric Fouri l'assurance totale Fouri Docteur José Saïra Chinaz Label Commanda Okilo Toulan Zambé à ma policier Paul Muntoué Zambé à ma transporteur Patou Lorenzo Dipi Kipirone Chungura Indira la brésilienne Partout dans le monde En ce moment on est confiné En Afrique, en Asie, en Europe on est confiné Amérique, Océanie, on est confinés Les enfants, les parents, tout le monde, nous sommes confinés Merci, merci, merci